je parole à Hélène qui va nous parler de qu'est-ce que le ou les genres. Et c'est déjà une question à part entière. Voilà, je te laisse tout de suite la parole. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai proposé à Éducation Populaire, Université Populaire, de faire un petit topo donc de 20 minutes, comme vous savez. L'idée c'est qu'on fait des petits topos de 20 minutes et après on a 40 minutes de discussion sur qu'est-ce que le genre, les genres. Parce que la plupart d'entre nous, d'entre vous, on a entendu parler du genre lors des polémiques autour du mariage pour tous. Aussi, si vous venez à Place de la République, vous entendez sûrement des groupes féministes parler de genre. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas exactement ce que c'est. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, le genre, les genres? Alors je vais essayer en 20 minutes de vous donner quelques outils pour comprendre cette idée, ce concept, le genre, les genres. Et donc, si jamais je dis des choses qui ne sont pas compréhensibles au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à intervenir, à me couper, à poser des questions. Et bien sûr, après, on aura une discussion, toutes et tous ensemble. Et j'espère qu'aussi, plusieurs d'entre vous pourront compléter aussi ce que je dis, parce qu'en 20 minutes, ça va être assez court. C'est un concept assez, assez large, le genre. C'est un peu comme expliquer le capitalisme en 20 minutes. C'est un petit peu court, quoi. Donc, voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Donc, je me présente, je m'appelle Hélène. Moi, je suis anthropologue sur les questions de genre. Donc, ça veut dire que j'étudie dans la diversité des sociétés les différentes manières que les sociétés ont d'organiser la sexualité, les rapports hommes-femmes, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que le sexe, etc. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le concept de genre a été inventé pour prendre de la distance avec notre façon traditionnelle d'appréhender la question des sexes, de ce qu'est un homme, une femme ou la sexualité. Alors, aujourd'hui, en France, bien des médias, des personnes véhiculent trois idées principales à propos de ça. Et donc, je vais vous parler de ces idées principales. Alors, la première idée, c'est que les femmes et les hommes seraient différents. Alors, vous entendez dans les médias, dans le discours commun, souvent, on dit les hommes et les femmes sont différents. Alors, typiquement, il y a un certain nombre d'idées, que les femmes seraient plus douces que les hommes seraient plus durs que les femmes seraient plus sensibles et littéraires, les hommes plus rationnels et matheux. Les femmes seraient plus passives, les hommes plus actifs, les femmes plus faibles, les hommes plus forts que les femmes plus peureuses, plus douées pour la communication, le dialogue, les hommes seraient plus agressifs, plus doués pour la compétition, la confrontation, etc. Il y a un certain nombre d'idées comme quoi les femmes et les hommes seraient différents. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée aussi qui est véhiculée aujourd'hui, c'est que ces différences seraient naturelles ou au moins auraient une origine biologique. C'est-à-dire, si les femmes et les hommes auraient des caractéristiques psychologiques différentes, des comportements différents, et voir si ils et elles occuperaient des travaux différents, que ce soit à la maison ou dans le marché du travail, ce serait parce qu'il y aurait des différences biologiques entre les femmes et les hommes qui les pousseraient à avoir plutôt certains caractères, plutôt certaines occupations, plutôt certains comportements que d'autres. Et alors, la troisième idée, c'est que cette différence, donc d'origine naturelle, permettrait une complémentarité entre les sexes dans l'égalité. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire les femmes et les hommes sont différents, mais ils sont complémentaires, ils ne sont pas inégaux. Voilà, ça c'est l'idéologie la plus répandue aujourd'hui en France. Et donc, ces différences permettraient une complémentarité entre les sexes qui s'exprimerait particulièrement dans le couple conjugal hétérosexuel dans la famille. C'est-à-dire, les femmes et les hommes sont différents, mais finalement, c'est très bien parce que ça fait des mamans plus douces, plus maternantes et des papas plus autoritaires et ça donne quelque chose de bien. Donc ces trois idées, c'est ce qu'on appelle en sociologie, en sciences politiques, en histoire, le sens commun. C'est lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais tout le monde connaît ces idées aujourd'hui en France. Et dans, on va dire dans l'Occident, c'est des idées qui sont majoritaires dans l'Occident, qui sont très communément partagées. On les retrouve souvent dans les médias. Et par exemple, un bouquin qui est vraiment à fond sur ces idées-là, c'est « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». C'est quand même un livre qui a été vendu à 50 millions d'exemplaires et qui dit « Voilà, les hommes et les femmes, on est différents, c'est normal parce que biologiquement on est différents, mais ça nous rend complémentaires si jamais on arrive à dialoguer entre nos deux planètes ». Voilà, ça c'est « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », c'est typiquement en plein dans le sens commun, donc des idées qui sont très largement répandues dans notre société. Or, en fait, ce sens commun est remis en cause dans les études scientifiques, en sciences humaines et sociales d'abord, puis dans les sciences biologiques, depuis assez longtemps. Voilà, c'est des idées, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément vrai. La logique. Alors, il y a des gens pour la logistique cherche des gens pour décharger le camion. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez rester bien sûr écouter. Je suis pas sûre que ça soit la personne la mieux pour faire de la pub pour décharger le camion de la logistique, mais c'est aussi possible de filer un coup de main. Alors, donc le sens commun, ces trois idées sont remises en question en fait dans les sciences humaines et sociales. Ouais. Alors, je sais pas, c'est une remarque à propos de la conférence. Ah non, c'est pas payé. Oui, il y a des gens qui peuvent décharger, mais c'est la base, c'est au filer un coup de main à la logistique, voilà, c'est pas payé. J'entendais pas, je suis désolée. Alors, donc, reprenons après ce petit point déchargement du camion. Alors en anthropologie, donc dans l'étude des différentes sociétés, on remarque dès le début du XXe siècle qu'en fait les caractéristiques féminines et masculines, les travaux attribués aux hommes et aux femmes varient selon les sociétés et dans l'histoire. Alors par exemple, Margaret Mead remarque en 1935 que en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle étudie trois sociétés, en fait on n'attribue pas les mêmes caractères et les mêmes travaux aux hommes et aux femmes. Par exemple, chez les Arapesh, elle remarque que les hommes et les femmes sont doux, attentionnés. On demande aux hommes et aux femmes d'être doux, attentionnés. Chez leurs voisins, à 200 km, c'est les Mundugoma, non, c'est les Chambouli, les femmes et les hommes doivent être agressifs et violents. On considère que les femmes et les hommes sont agressifs et violents. Et chez les Arapesh, encore une autre société de Papouasie-Nouvelle-Guinée à 500 km de là, les femmes doivent être entreprenantes et agressives, et les hommes, eux, doivent être plutôt sensibles, artistes. Donc, et on voit par exemple dans cette société que ce sont les femmes qui font la pêche et le commerce, qui est très différent de la société d'origine de Margaret Mead, les USA, où les femmes sont plutôt exclues de la pêche et du commerce, en tout cas de la direction du commerce. Donc la conclusion est assez simple, si les caractères attribués aux femmes et aux hommes et les tâches attribuées aux femmes et aux hommes dans les sociétés varient, c'est que c'est culturel et non naturel. Ce qu'il y a de commun entre toutes les sociétés de l'espèce humaine, c'est naturel, c'est biologique. Et ce qu'il y a de différent entre différentes sociétés, c'est bien sûr des constructions sociales, c'est culturel. Ce sont des choix culturels différents. Donc on remarque aussi, elle commence à faire l'étude, Margaret Mead, et après il y a beaucoup de gens qui vont faire des études sur ça, c'est que par contre, les petits mâles et les petites femelles de l'espèce humaine vont être éduqués très différemment selon les sociétés. C'est-à-dire qu'on va inciter les petits garçons et les petites filles différents à apprendre des tâches différentes. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une socialisation sexuée. C'est-à-dire que ce n'est pas naturel les rôles féminins, les caractères féminins et masculins, mais c'est appris. Alors, par exemple, je vais vous citer une étude de psychosociale qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années en France. On a pris une vingtaine d'adultes et on leur a montré une vidéo d'un enfant qui était en train de pleurer, d'un bébé qui était en train de pleurer. Et on demande à ces adultes, regardez, cette petite fille pleure, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, la majorité des adultes vont dire, oh, elle est triste, elle a du chagrin, dis donc, il faudra la consoler. Et après, ils prennent la vidéo du même bébé en train de pleurer, et lui disent, regardez ce petit garçon, il pleure, qu'est-ce qu'il a ? Et la majorité des adultes vont dire, oh, il est en colère, il n'est pas content. Donc on voit en fait que, dès le début, en fait, les gens autour de nous, enfin les gens interagissent avec les enfants dès la naissance, même avant, même dans le ventre, en fonction du sexe et de ce qu'ils projettent, du coup, des caractéristiques sexuées de l'enfant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en sociologie et dans l'ensemble des sciences humaines et sociales, la socialisation sexuée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une éducation sexiste, il y a aussi, en fait, toutes les interactions sont déterminées par le sexe qu'on considère d'être, enfin le sexe qu'on attribue à l'un ou l'autre. Et donc ça, c'est le fameux « on ne naît pas femme, on le devient » ou « on ne naît pas homme, on le devient » de Simone de Beauvoir. Donc ça, c'est en 1949, donc Margaret Mead 1935, 1949, Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient ». En gros, on est avec un sexe biologique, mais en fait, on apprend à se comporter en tant qu'homme ou en tant que femme dans la société. En 1972, Anne Oakley, qui est une sociologue américaine, élabore le concept de genre, gender, dans son sens moderne, dans le sens de construction sociale de la masculinité et de la féminité. Pour elle, donc quand elle l'invente, qu'elle met en place ce concept, il y a d'un côté le sexe biologique, mâle et femelle, et de l'autre la construction sociale, la féminité, la masculinité. Et donc, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a donc le sexe biologique et le sexe social, le genre. Et donc, comme c'est social, c'est modifiable. Ça se modifie dans le temps. Donc, la définition de ce qu'était un homme et une femme il y a 2 siècles, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, ça ne sera pas la même que demain. Et alors, ce qui est assez chouette, moi, je trouve, dans les études sur le genre, c'est que cette conception, en fait, a été validée il y a 20 ans par la biologie et la neurobiologie. En effet, les biologistes, les médecins, les neurobiologistes... cherche en fait les raisons biologiques des différences de comportement entre les femmes et les hommes. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils n'en trouvent pas. Et donc, notamment, les neurobiologistes montrent qu'en fait, les cerveaux des hommes et les femmes sont exactement identiques. Il n'y a pas de différence entre les cerveaux des femmes et des hommes. De même, sur les hormones, ils demandent, est-ce que les hormones ont une influence sur les comportements masculins et féminins? Est-ce que ce serait les hormones qui seraient à l'origine? Eh bien, ils trouvent que non. En fait, le taux hormonal, avoir plus ou moins de testostérone ou d'oestrogène, ça n'influe pas sur le comportement. En tout cas, ça ne détermine pas des rôles sexués. Et par contre, ce que montre la neurobiologie, c'est que l'expérience façonne notre cerveau. C'est-à-dire quand on a 10% de connexion cérébrale de fait entre nos neurones, et 90% se fait avec l'expérience. Et donc là, on voit que la socialisation sexuée, en fait, influe sur nos manières de construire nos connexions neuronales, et donc sur nos façons de réagir ensuite. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une plasticité cérébrale, c'est-à-dire que ce qui est appris peut être désappris, et on peut remplacer une construction par une autre. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui va être une petite fille à laquelle on va apprendre, je ne sais pas, beaucoup à rester dans la maison, à dialoguer avec les autres, elle va développer des connexions neuronales par rapport à ces compétences-là. Mais si, par exemple, un jour, elle trouve un travail, ambulancière, elle va développer des connexions neuronales qui nous lui donneront le sens de l'orientation. Vous voyez, c'est pas du tout, c'est pas parce qu'à un moment on n'a pas eu le sens de l'orientation qu'on peut pas l'avoir plus tard, parce que en fait les compétences neuronales sont pas figées, quoi. Donc nous sommes là au niveau 1 du concept de la compréhension du concept de genre. Le niveau 1, le niveau on va dire de base, c'est le genre, c'est en gros le sexe social. C'est la première étape. Et en fait on va voir qu'il y a encore 2 autres étapes de compréhension de ce concept. Alors la deuxième étape, c'est que les études qu'on appelle aujourd'hui les études de genre vont aller plus loin que ce premier pas. Parce qu'en effet, si ce n'est pas biologique, alors pourquoi les sociétés différencient les femelles et les mâles et créent donc 2 groupes sociaux, les hommes et les femmes? Et donc je vous rappelle dans le sens commun, aujourd'hui l'idée majoritaire, c'est que les femmes et les hommes sont différents et doivent rester différents parce que ça nous rendrait complémentaires. Alors quand on regarde de plus près, on va prendre l'exemple de la société française. Si on regarde les caractéristiques attribuées aux femmes et aux hommes, en fait, ces caractéristiques ne nous rendent pas complémentaires, mais nous rendent inégaux. En effet, on va voir que les traits attribués aux hommes, ce sont beaucoup des traits liés à des groupes dominants, à des groupes qui dominent. En effet, un homme, comme je vous disais au début, souvent on va dire qu'il est fort, il est matheux, il est rationnel, il est insensible, il est plus dur, courageux, il aime la confrontation, etc. En fait, ce sont des définitions sociales d'un caractère dominant. Et on va voir que les caractéristiques attribuées aux femmes, être peureuse, sensible, littéraire, dans le dialogue, dans le soin aux autres, ce sont des caractéristiques sociales, ou dans la passivité par exemple, qui sont plutôt liées à la soumission ou au fait d'être au service des autres. Et en fait, bon, ça c'est une petite introduction, mais on voit aussi que les tâches attribuées aux hommes et aux femmes ne sont pas des tâches complémentaires, mais en fait permettent aux hommes de dominer les femmes et de les exploiter. Alors je vais vous expliquer ça. Par exemple, en 1979, Paola Tabet, donc, qui est une anthropologue, étudie 400 sociétés différentes et regarde quelles sont les tâches masculines et féminines. Alors qu'est-ce qu'elle remarque, surprise, c'est que les femmes, déjà, dans beaucoup de sociétés, effectuent des tâches qui demandent énormément de force physique et de mobilité. Parce que d'habitude, on se dit, en fait, les tâches où sont pas les femmes, c'est souvent parce qu'elles sont pas assez fortes pour les faire, ou alors parce qu'elles ont des grossesses et des enfants, donc elles peuvent pas se déplacer. Or, dans la plupart des sociétés, les femmes font des tâches extrêmement dures physiquement, qui demandent plus de force que la plupart des tâches masculines, et sont extrêmement mobiles. Dans la plupart des sociétés, les femmes, par exemple, font le travail agricole, et donc se déplacent au champ, et font des travaux extrêmement physiques. Donc, elle dit, mais alors, si les femmes ont les mêmes capacités physiques que les hommes, pourquoi elles sont exclues de certaines tâches? Et donc, elle regarde les tâches dont elles sont exclues. En fait, les tâches dont sont exclues les femmes, ce sont les tâches qui donnent du pouvoir sur le monde social et sur les autres. Typiquement, les tâches dont sont exclues les femmes, les tâches qui sont exclusivement masculines ou majoritairement masculines, ce sont les tâches où on utilise des armes, qui demandent la maîtrise de la violence armée. Ce sont les tâches qui permettent de contrôler l'économie ou ce sont les tâches qui permettent de contrôler le pouvoir politique. Et donc, ce qu'elle montre, c'est que la division sexuelle du travail, c'est pas lié à des compétences et des caractéristiques biologiques différentes entre les hommes et les femmes, mais bien plutôt, cette division sexuelle du travail permet aux hommes de dominer les femmes et d'exploiter la force de travail des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les hommes s'accaparent les tâches qui donnent du pouvoir et qui sont les moins longues, et en fait, font travailler les femmes dans des tâches qui sont très longues et peu rémunératrices et qui donnent peu de pouvoir. Donc en fait, ce qui va avec cette phase donc de la compréhension du concept de genre, c'est que donc la construction sociale des sexes, c'est pas naturel. Être un homme et une femme, c'est pas naturel, et ça nous rend inégaux. C'est-à-dire la construction de deux groupes sociaux, hommes et femmes, avec des caractéristiques et des compétences différentes, en fait, ça construit un rapport de pouvoir des hommes sur les femmes. Et alors nous voyons que l'idée d'une différence et d'une complémentarité naturelle entre les sexes est un discours qui a deux fonctions. C'est un discours qui masque les rapports de domination patriarcaux, mais non, c'est pas de l'exploitation, c'est pas de la domination, c'est de la complémentarité, donc premier point. Et aussi, c'est un discours qui légitime les rapports sociaux tels qu'ils sont, les rapports entre les femmes et les hommes tels qu'ils sont, en les faisant passer pour naturels. Bien sûr, si vous dites, ma femme, elle fait trois quarts des tâches à la maison, mais c'est parce que naturellement les femmes, elles aiment s'occuper des autres, elles aiment la propreté, c'est dans leur nature. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, en fait, on peut pas changer ça. Finalement, elle fait les trois quarts des tâches, elle exploite donc sur un quart de son temps de travail, mais on peut pas changer ça parce que c'est notre nature. Donc bien sûr, dire que c'est naturel, c'est pas transformable. Et donc dire que c'est pas naturel, ça veut dire qu'on peut modifier ça. Donc on est à la seconde étape de la compréhension du concept de genre. Le concept de genre, ça sert pas seulement à dire les groupes être un homme, être une femme, ce n'est pas naturel, c'est culturel, c'est appris socialement durant toute notre vie. Mais donc la construction sociale de deux groupes différents ne nous rend pas complémentaires, mais permet la domination des hommes sur les femmes et l'exploitation des femmes par les hommes. C'est-à-dire, c'est pas seulement une différence de construction sociale, c'est aussi la construction d'un rapport de domination et d'exploitation. Ça, c'est la deuxième étape de la compréhension du concept de genre. Et il y a encore une troisième étape. Et donc cette troisième étape, et je vais en rester qu'on rentre dans la discussion, c'est le questionnement sur le fait qu'il y ait deux sexes et qui seraient naturellement hétérosexuels. Alors dans les années 70, Monique Wittig, qui est une philosophe, dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, si le fait d'avoir des organes génitaux mâles ou femelles ne nous donnait pas une place extrêmement différente dans la société, cette caractéristique biologique ne serait pas plus importante que le fait d'avoir des cheveux bruns ou roux, d'avoir des plus ou moins grands pieds. Elle dit, en fait, elle fait le parallèle avec la couleur de la peau. Si le fait d'avoir la peau foncée n'influait pas sur la position sociale occupée dans le monde, on ne le remarquerait pas plus que le fait d'être grand ou petit. Si le fait d'avoir des organes génitaux mâles ou femelles ne nous donnait pas une position sociale très différente dans le monde, ça ferait partie des caractéristiques qu'on remarquerait de manière générale. On ne le remarquerait pas plus que le fait d'être grand, petit, roux, blond, etc. En fait, le sexe, comme la couleur de la peau, nous place dans des rapports de pouvoir. Et c'est pour cela que ce sont des caractéristiques autant remarquées au premier regard et qui sont aussi importantes. Si vous voulez, on prend la partie, par exemple le fait d'être une femelle, eh bien ça définit l'ensemble de mon être. C'est pas je suis un être humain qui a comme caractéristique, entre autres, d'avoir un sexe génital femelle, mais ça fait je suis une femme. Vous voyez, le fait d'avoir une couleur de peau foncée, ça n'est pas seulement voilà, cette personne a une couleur de peau foncée et est grande, a des grandes mains, est forte, musclée. Non, ça donne je suis une noire. Vous voyez, c'est on prend la partie pour le tout. Parce que, en fait, ça nous place dans des catégories sociales qui sont extrêmement divisées par un rapport de pouvoir entre les deux catégories sociales. Donc selon Monique Wittig, l'humanité est divisée en deux groupes sociaux, les hommes et les femmes, dont l'un, les hommes, exploite l'autre, les autres, les femmes, dans la société en général, mais aussi en particulier dans un rapport, le rapport hétérosexuel. On remarque en effet que dans beaucoup de sociétés, à des degrés variables, les époux exploitent la force de travail de leur épouse. Bon, typiquement, en France, le travail domestique, les femmes font trois quarts du temps de travail domestique et les hommes un quart, donc ça, c'est un rapport d'exploitation. Ils exploitent aussi leur sexualité. Dans la plupart des sociétés, il y a le devoir conjugal. Les épouses doivent servir, être au service des besoins sexuels de leur époux. Et troisième point, leur capacité de reproduction. Dans de nombreuses sociétés aussi, les hommes décident du nombre d'enfants que feront leur épouse. Donc ce qu'elle dit, c'est que la division de l'humanité en hommes et femmes va en fait de pair avec la construction de l'hétérosexualité au sein de laquelle s'exerce très souvent le pouvoir des hommes sur les femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la construction de deux groupes sociaux, hommes et femmes, d'un rapport de pouvoir entre les deux, mais aussi d'un rapport de pouvoir qui s'exprime au sein du couple conjugal. Et donc ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, celles et ceux qui sortent des normes à la fois d'identité de sexe, donc identité de sexe, être un homme ou une femme, ce que vous entendez souvent, celles et ceux qui sortent des normes binaires, du fait d'être dans un groupe social homme ou un groupe social femme, et celles et ceux qui sortent des normes d'identité sexuelle, c'est-à-dire le fait d'être hétérosexuel, menacent donc cet ordre politique fondé sur la division de l'humanité entre deux catégories, l'une exploitante, les hommes, et l'autre exploitée, les femmes, en particulier au sein du couple hétéronormal. Hétéronormal, c'est pas l'hétérosexualité, c'est pas le fait seulement d'avoir une sexualité entre des personnes qui ont des sexes biologiques différents, mais c'est toute l'élaboration du couple et des normes de sexualité qu'on entend par l'hétéronormalité. Hein. C'est pas seulement des pratiques sexuelles. Donc dans cette optique, les études sur le genre vont critiquer trois nouvelles choses. Donc elles critiquent le fait que la sexualité et la famille sont par nature hétérosexuelles. La deuxième chose qu'il et elle critique, c'est le fait de considérer qu'il n'y a que deux sexes biologiques. Et la troisième chose, qu'il n'y aurait aussi que deux sexes sociaux. Alors je vais vous expliquer ces trois points. Sur la sexualité. Alors sur la sexualité, si on revient à l'anthropologie, on remarque qu'il y a une grande diversité dans ce qui est autorisé, prescrit, interdit en matière de sexualité selon les sociétés et les époques. Donc la sexualité humaine est un phénomène social comme le reste. Donc a priori, l'hétérosexualité, c'est une norme sociale tout à fait variable et modifiable. Aussi sur la famille, il y a de nombreuses sociétés où la famille ne repose pas sur un couple monogame et hétérosexuel. Donc c'est aussi des choix sociaux. Je peux vous donner par exemple l'exemple des Mosuo en Chine, donc c'est une société chinoise, où en fait les amants se voient et donc mais ne cohabitent pas, il n'y a pas de rapport de mariage. Et donc les enfants, quand ils naissent, en fait, ils restent dans la famille de la femme et ils sont élevés dans la famille de la génitrice. Et donc il n'y a pas de notion de père. Et ils s'en portent pas plus mal. Hein. C'est donc tout ça pour dire qu'en fait, selon les sociétés, il y a une grande variabilité. Donc notre modèle n'est pas un modèle naturel, biologique, qui engloberait toutes les sociétés du monde. Deuxième point, sur la biologie. Alors des chercheurs questionnent aussi le fait de considérer qu'il y a deux sexes biologiques. Alors ça c'est très intéressant, c'est plus nouveau aussi. Alors les dernières avancées de la biologie montrent qu'il est difficile de définir ce qu'est scientifiquement ce qu'est le sexe. En effet, il y a plusieurs critères. Aujourd'hui, on considère qu'il y a quatre critères. L'anatomie, c'est la présence ou non d'un pénis ou d'un vagin et clitoris. Ou deuxième critère, les gonades, le fait de posséder des testicules ou des ovaires. Troisième critère, les hormones, le fait qu'un organisme produise plus de testostérone ou plus d'oestrogène. Ou encore la génétique, le fait qu'un individu possède dans son ADN une paire de chromosomes XY ou XX ou encore une autre combinaison. Vous savez qu'il y a XXY, XXXX, enfin on découvre en fait qu'il y a beaucoup de combinaisons sexuées dans les ADN. Et donc ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que la proportion, il y a une assez forte proportion de personnes intersexuées en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 1 à 15 personnes pour 1000 est intersexe, qu'elles le sachent ou non. Et ça, c'est en prenant que les critères sexués primaires. Parce que si on prend les critères sexuels secondaires, donc le fait d'avoir de la barbe, le fait d'avoir des seins, le fait d'avoir... voilà, on va parler que de ces deux-là. Eh bien, on est beaucoup plus de personnes intersexes. Et donc, ce que montrent les recherches en biologie, c'est qu'il est tout à fait possible de classifier les caractéristiques biologiques liées à la génitalité en plus de deux catégories, donc au moins trois mâles, femelles, intersexes. Mais en fait, on peut aussi dire, voilà, personne ayant telle caractéristique, et enfin, on peut faire beaucoup plus de catégories que deux catégories biologiques si on veut classer les personnes en fonction de leurs caractéristiques sexuées. Mais encore, on peut considérer qu'il existe un continuum biologique entre les sexes. C'est-à-dire, on peut aussi rompre avec l'idée qu'il y aurait finalement deux grandes espèces divisées en deux, que l'humanité serait divisée en deux sous-espèces, mâles et femelles, et se dire en fait il y a différents degrés de sexuation. Enfin, sur les sexes sociaux, et donc il y a des études qui critiquent aussi le fait de considérer qu'il y a deux sexes sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le groupe des hommes et le groupe des femmes. Alors pourquoi ? Déjà en anthropologie, on remarque qu'il y a d'assez nombreuses sociétés qui n'ont pas que deux catégories de sexe, les hommes et les femmes. Par exemple, en Inde, on voit la catégorie des hijra. Ce sont des personnes qui sont considérées comme étant ni hommes ni femmes. Donc il y a une théorie de sexe. Donc ça déjà, notre modèle occidental qui considère qu'il n'y a que des hommes et des femmes, déjà ça peut être mis en cause. Il y a des sociétés qui ont plus de modèles, enfin plus de catégories sexuées que deux. Et puis aussi, il existe beaucoup de gens qui, de fait, ou par que ce soit par choix ou non, ne rentrent pas dans les catégories binaires femmes et hommes. On voit par exemple les personnes trans, ce sont des personnes qui ne rentrent pas dans les catégories binaires femmes et hommes. Donc par exemple, Judith Butler affirme que le genre, c'est une performance, une façon de se comporter, d'agir dans le monde, et qu'il existe en fait une grande variabilité dans les performances de genre, que beaucoup d'entre nous réalisent des performances de genre qui bousculent le monde binaire hétérosexuel et que ces personnes sont donc réprimées en conséquence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne rentrent pas dans les normes de genre, hommes, femmes, hétéros, et mais pour ces personnes, c'est qu'elles subissent de la discrimination et de la répression parce qu'elles bousculent l'ordre de genre qui est censé être l'ordre naturel dont on a vu qu'il était en fait un ordre culturel. Et donc c'est pour cela que beaucoup de gens parlent des genres et pas du genre au singulier. Donc non pas quand il et elle parlent des genres, c'est pas de deux genres masculins et féminins, mais des genres pour parler des multiples façons de se comporter selon des codes masculins et féminins et dans la sexualité, pour parler de la fluidité qui existe dans le vécu de nos identités sexuées et sexuelles. Alors beaucoup d'entre nous, finalement, nous ne nous vivons pas comme strictement des hommes ou des femmes, que ça soit quelque chose de très, on va dire, visible, parce que voilà, vous décidez de sortir des normes et de le montrer, ou que ça soit un vécu plus intime. Beaucoup de gens se sentent en fait très étriqués dans ces catégories et de fait les dépassent et les subvertissent de loin. Et pareil sur les expériences sexuelles, soit vous l'affirmez, mais nous avons aussi souvent des vécus extrêmement complexes et multiples de la sexualité et qui ne se limite pas à un vécu hétéronormal. Donc en conclusion, l'important à retenir sur le concept de genre, c'est que la façon dont nous vivons nos identités et nos sexualités sont socialement construites. Donc je reviens sur le point du début, ce n'est pas naturel d'être un homme ou d'être une femme. Et ce n'est pas non plus naturel, bien sûr, d'être hétérosexuel, d'être monogame, etc. Ce sont des conventions sociales, et donc qui sont modifiables, qui se modifient de fait. Hein. On n'a pas du tout la même façon de vivre le fait d'être un homme ou une femme ou nos relations sexuelles que nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et donc, ce sont des choses socialement construites et sur lesquelles on a prise, donc sur lesquelles on peut faire des choix politiques. Mais ce concept, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un outil critique. L'étude du système de genre français permet, en fait, de dénoncer... ma vision, deux choses. Bah, le fait que la construction des hommes et des femmes actuelles perpétue des rapports de domination des hommes sur les femmes, des rapports d'exploitation, mais ça permet aussi de critiquer le fait que nous sommes toutes et tous enfermés dans nos possibilités, limités par des stéréotypes et des rôles assignés aux mâles et aux femelles, et dans des formes de sexualité restreintes aussi. Et enfin, que toutes celles, le troisième point que je trouve très critiquable dans le système de genre français actuel tel qu'il est fait, c'est que toutes les personnes qui ne sont pas dans des identités binaires, hommes ou femmes, ou des identités sexuelles hétérosexuelles, sont victimes de discrimination, de violence, car ils et elles remettent en cause cet ordre politique. Donc le genre, c'est pas seulement la construction sociale, c'est aussi la construction de rapports de pouvoir des hommes sur les femmes et des gens qui rentrent dans les normes sur celles et ceux qui l'en sortent et qui le montrent. Voilà. Alors je vous propose maintenant de faire un tour de discussion, intervention, questions, réponses et tout ça. Merci. Oui, alors je vais vous demander à chaque fois de venir parler au micro. Merci. Oui, bonjour. Alors j'avais une, pas une question, mais une intervention par rapport à comment fonctionne le phénomène de genre, des genres dans la société, sur son côté marchand, en fait, puisque, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas, on est confronté à des jouets, à tout un tas d'objets que l'on genre de plus en plus. Alors, d'une part, je suis professeur, on nous demande énormément justement de faire très attention à la façon dont on traite les filles et les garçons pour qu'on ne mette pas en place ce type de stéréotypes. Et d'autre part, on se retrouve avec des objets qui sont de plus en plus roses, de plus en plus violets. Et avec moi, ce que j'analyse comme, j'allais même dire, un phénomène de profit sur l'idée que s'il offre un vélo violet et qu'ensuite on a un garçon, le garçon ne voudra pas du vélo violet, comme ça fera acheter un deuxième vélo. Et à un moment... Moi, ma question, c'est comment on lutte contre ça, c'est-à-dire comment on arrive à déconstruire ce phénomène qui est vraiment implanté dès le plus jeune âge sur l'idée que les petites filles, c'est rose, c'est violet, il y a des étoiles, il y a des poneys avec des grands yeux qui ont du maquillage, etc. Et que les petits garçons, c'est la guerre, c'est les voitures, voilà. Comment on s'en sort, nous, à notre niveau ? Si on a, j'allais dire, tout un fonctionnement économique qui maintient cette distinction genrée et qui même l'utilise comme de plus en plus. Moi, je vois aujourd'hui, on a des boîtes de Lego pour filles. C'est quelque chose que je connaissais pas quand j'étais enfant. On a des boîtes de Lego violettes. Et ça m'inquiète beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on a cette volonté et qu'on en sait de plus en plus sur le genre et que ça, qu'on comprend de plus en plus, mais que d'un autre côté, on perpétue de plus en plus le genre, cette distinction genrée au plus jeune âge. Voilà. Alors, c'est pas forcément moi qui réponds. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça ou d'autres choses à dire ? Ouais, il faut venir. Non. Excusez-moi, ouais, faut venir de ce côté parce qu'autrement ça siffle. C'est pour rebondir sur ce que monsieur disait, c'est que déjà Oh, pardon. Pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, non seulement aujourd'hui il y a ce marketing genré que tous les agences de marketing ont bien compris que effectivement pouvoir genrer un produit, ça voulait dire faire vendre deux fois le même produit, mais une fois en rose, une fois en bleu. Et en plus de ça, on se rend compte qu'aujourd'hui dans le marketing genré, qui peut s'appliquer aussi bien à l'alimentation qu'aux jouets, qu'aux produits de consommation de base, donc des produits d'hygiène, des produits de cosmétiques ou simplement d'entretien à la maison, tout est genré, et quand c'est genré au féminin, c'est plus cher. On se souvient de la taxe rose qui a fait scandale il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça se retrouve aussi dans les jouets. Le même modèle de trottinette en rose ou en bleu pourra connaître un écart du simple au double, et le double pour la zouze, quoi. Et c'est systématique dans tous les produits. Aujourd'hui, on n'est pas forcément dans un système qui est encore généralisé, mais ça arrive, et il serait peut-être temps justement de réfléchir là-dessus avant que ça s'impose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur cette question des rapports entre inégalisation économique et... Oui, je te laisse la parole. Ouais, alors c'est sûr que c'est cette histoire de... Parce qu'en fait, il y a un problème qui arrive derrière j'arrive pas à trouver le mot. Alors pourquoi les féministes et les personnes qui sont minoritaires du point de vue du genre sont contre justement le fait que les petites filles vont utiliser certains jouets, les petits garçons d'autres, que ça va être une éducation très différente et très sexuée? Eh bien parce qu'on remarque que les jouets et les caractéristiques féminines vont par exemple faire en sorte que les filles vont être orientées et s'orienter vers des métiers qui donnent moins d'argent, moins de prestige et moins de pouvoir que les métiers vers lesquels s'orientent les petits garçons. Et donc ça perpétue les rapports d'inégalité, de domination qui étaient déjà présents et qui continuent à être présents. L'intériorisation des stéréotypes de genre, en fait, est un des moyens pour la perpétuation des rapports inégalitaires. Et donc, c'est des choses qui ont été beaucoup remises en cause par les féministes et par les queers, ce qu'on appelle les personnes queer, donc des personnes qui revendiquent qu'il n'y ait pas seulement deux sexes et qu'on puisse avoir des identités beaucoup plus souples et fluides. Et par exemple, dans les propositions féminines, il y a de former les éducateurs. C'est-à-dire que souvent, on va faire des interventions auprès du public des jeunes, mais en fait, on se rend compte que les personnes qui sont extrêmement sexistes et de façon souvent inconsciente, ce sont les formateurs. Parmi les gens qui éduquent des enfants, en fait, il faudrait déjà former ces gens-là Pour que déjà elles et eux aient des comportements moins stéréotypés selon le sexe identifié de l'enfant. Alors aussi dans les mesures féministes, il y a aussi des mesures de boycott qu'on peut faire dans les choses qui ont été demandées, justement, essayer de boycotter les marques qui ne proposent pas de jouets qui soient un peu mixtes. Voilà, par exemple, ça peut être aussi des choses qui peuvent être faites. Mais vous voyez bien que, par exemple, quand il y a eu l'idée de faire un ABCD de l'égalité pour les enfants en primaire, l'idée c'était filles et garçons, de dire aux filles et garçons, vous pouvez être un garçon aimer le rose, vous pouvez être une fille et vouloir jouer avec un fusil, enfin, ce genre de choses, hein. Ça cassait pas non plus des briques, hein, c'était pas la grande révolution. Eh bien, il y a eu des groupes d'opposition. Et cet ABCD de l'égalité n'est pas passé. Et alors, qui c'était ces groupes d'opposition? C'était notamment les catholiques. Et vous savez bien que le Vatican, par rapport aux décisions du Vatican. Et le Vatican, c'est quelque chose qui est dirigé à 100% par des hommes. Voilà, et qui ont tout intérêt à ce que ce système se perpétue. Et donc, bien sûr, ça remet aussi en cause les croyances catholiques d'une différence naturelle décidée par Dieu entre les femmes et les hommes avec des rôles différents. Donc, parfois, il y a des envies, il y a des mesures qui essaient d'être portées, mais il y a aussi des groupes de résistance et d'opposition. Et de même, les grandes boîtes capitalistes, à votre avis, elles sont dirigées à combien de pourcents par les hommes? Les conseils d'administration des 50 plus grandes entreprises françaises, à votre avis, c'est à combien de pourcents féminins? 5%? 30? À votre avis, les conseils d'administration des 50 plus grosses entreprises françaises? 20? Moins de 10? Ouais, on est plutôt à 2% de féminisation. Plus les boîtes sont grosses, moins il y a de femmes. Donc, vous voyez, tout ça pour dire que il y a bien sûr, c'est intériorisé par tout le monde, mais aussi les gens qui sont décisionnels aussi sont souvent des hommes aussi. Ceux qui pèsent beaucoup dans le maintien de ce système-là, c'est aussi très structuré par les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Alors, d'autres interventions, Nadia ? Alors moi j'avais juste une petite question, tu parlais tout à l'heure des différents critères qui étaient attribués aux hommes et aux femmes selon les sociétés, et en gros ma question c'est, pourquoi, qu'est-ce qui a amené les sociétés à être différentes et à attribuer différents critères aux hommes et aux femmes, tout simplement en fait, d'où vient le fait qu'il y ait cette exploitation qui a été créée, enfin... Quelle est l'origine en fait de cette exploitation? C'est un peu ça ma question. Alors c'est une très très vaste question. Alors moi la première chose que je vais vous dire c'est que les études de genre en gros ça existe depuis 40 ans et moi je considère qu'on n'a pas encore de réponse sur cette question là. Enfin voilà, en tant qu'anthropologue, je vais vous dire très sincèrement en fait c'est une question qui se pose et pour l'instant il me semble que par exemple il faudrait que l'archéologie s'y mette. Pour voir justement comment comment la domination masculine est apparue dans certaines sociétés. Il faudrait faire un travail comparatif sur énormément de sociétés et sur des temps assez longs pour répondre à cette question. Or aujourd'hui, je ne connais pas de travaux qui répondent de manière comme ça exhaustive. Ce serait un projet de recherche assez immense, mais qui serait très intéressant. Tout ça pour dire que donc pour l'instant, on ne sait pas l'origine de ça. Il y a des différentes hypothèses hein, selon les courants. Il y a Engels, le premier, qui a dit la domination masculine est apparue avec l'apparition de la propriété privée, de l'esclavage, de l'élevage. Donc les hommes se sont appropriés les terres, les femmes, les esclaves, les bêtes. Alors ça c'est une hypothèse d'Engels. Il se trouve que cette hypothèse a été invalidée depuis. Il dit je sais pas comment ça s'est passé, mais d'autres scientifiques pourront le valider derrière moi. Or depuis, il y a eu des scientifiques qui ont cherché, qui ont fait des recherches dans ce sens et qui ont vu qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de propriété privée, par exemple comme les Barouya en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et pourtant il y a de la domination masculine. Donc ça fait tout d'Engels. Mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que je réponds souvent à cette question, c'est à un moment, il y a un groupe social qui a pris le pouvoir sur un autre groupe social et qui a mis en place les choses pour maintenir ces rapports de domination. Alors ça, et pourquoi est-ce qu'ils le maintiennent? C'est parce qu'ils ont des privilèges. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi les Blancs se sont mis à dominer toute la planète? C'est qu'à un moment, il y a eu un temps historique où les populations occidentales se sont appropriées des moyens technologiques qui ont permis de dominer les autres populations. C'est possible qu'à un moment, bah, les hommes, à la faveur de, je sais pas, d'un événement historique, se soient appropriés les armes, par exemple, soit dit, bah voilà, c'est nous qui allons prendre les armes et les femmes, elles vont rester parce que les femmes, je sais pas, elles font des gamins. Donc si un homme, il meurt, eh ben, c'est pas grave. Et si une femme, elle meurt, ben, c'est aussi toute sa progéniture derrière qui va mourir, par exemple. Et c'est tout à fait possible que ce système social se soit répandu ensuite sur la planète. Voilà, ça peut être des choses très, très concrètes comme ça. Après, il faudrait faire des recherches beaucoup plus précises pour savoir. Mais toujours est-il que, en fait, moi j'ai envie de dire, en fait, ce système social, il existe parce qu'il y a des personnes qui ont des intérêts à exploiter d'autres personnes, enfin, aussi tout simplement. Et du coup, voilà, c'est tant que les groupes exploités se révoltent pas, bah, ça se perpétue, quoi. Voilà. Et aussi pour dire quand même, c'est pas toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés beaucoup plus égalitaires que la nôtre, par exemple. Voilà. Et aussi, pour dire, les sociétés aussi, on est quand même dans un phénomène de globalisation, de mondialisation depuis 2-3 siècles. Et les sociétés qui se sont mondialisées et globalisées, ce sont des sociétés extrêmement patriarcales, qui ont des religions monothéistes extrêmement patriarcales, hein, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam. C'est aussi, je pense qu'on a aussi l'impression qu'il y a une domination masculine assez universelle, ou en tout cas internationale. Mais il faut dire aussi que les sociétés qui se sont le plus répandues et qui ont le plus imposé leur modèle social ces derniers siècles, ce sont des sociétés extrêmement patriarcales, dont les nôtres. Voilà, sur les éléments que je connais. Merci. Une autre question ? Alors, c'est pas vraiment une question, mais une intervention. C'était juste par rapport au catalogue de jouets de Noël. C'est une catastrophe. Alors on remarque qu'il y a des tentatives d'effort en mettant des couleurs un peu plus neutres, etc. Mais j'avais remarqué un petit encadré donc sur une page où ils offraient, où ils proposaient une gamme de pistolets, de machins, d'arcs, etc. Ils se sont dit, bon, on va essayer de genrer un petit peu. Ils ont rajouté un petit encadré rose en bas à gauche avec une gamme juste faite pour les femmes et ils se sont sentis obligés de nommer cette gamme Rebelle. Et voilà, moi j'ai trouvé ça catastrophique et voilà, c'était un peu... Voilà, je voulais juste faire partager ça. Merci. Oui. Alors, la remarque, c'était... on pourrait faire énormément d'études sur comment on en est arrivé à l'état actuel. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment on peut évoluer, comment on peut changer les choses. Et en ce sens, si on regarde les à quel niveau faudrait-il démarrer ? Est-ce que, si on regarde au niveau des enfants, est-ce que c'est les... comment on fait pour... quel groupe de parents, en fait, fait que les enfants évoluent le mieux dans la société ? On a des études maintenant qui montrent que des couples homosexuels ont très bien élevé des enfants et que ceux-ci n'ont pas été sexués pour autant dans un genre par rapport à l'autre. Alors... est-ce que ça serait pas intéressant de se poser la question et de démontrer en fait que c'est pas un homme et une femme qui vont faire que des enfants vont être sur leurs deux pieds dans la société actuelle? Et du coup, qu'est-ce qui est fait actuellement dans notre société pour démontrer ce genre de choses? Alors qu'est-ce qui pourrait être fait? Moi je peux encore en donner plein d'idées, mais je pense que vous en avez vous aussi, hein, donc vous n'hésitez pas à en donner. Par exemple, les études de genre, vous voyez, ça fait 40 ans que ça existe et je me retrouve encore sur cette place à expliquer ça. Voilà, enfin, je veux dire, ça c'est une première chose, c'est que les études qui montrent tout ça, en fait, sont très très peu diffusées. Que ça soit d'ailleurs dans les... ça commence, hein, ça fait 10 ans que ça commence, il y a énormément de publications maintenant, mais c'est toujours dans des maisons d'édition extrêmement intellectuelles. Donc ça a mis déjà 30 ans à passer le pas des maisons d'édition intellectuelles. Hein, les premières chercheuses et les premiers chercheurs, ils ont publié dans des maisons d'édition autonomes parce que les gens qui dirigeaient les maisons d'édition voulaient pas publier ce genre de choses, alors que bon, scientifiquement, c'est très bon, quoi. Donc il y a cette première chose, il y a aussi tout ce qui est média presse générale qui aussi ne dès qu'il y a une soi-disant découverte scientifique sexiste, il le publie. Mais dès qu'il y a des choses justement non sexistes, il le publie pas, enfin ou très peu ou dans un petit encadré, enfin il y a cette chose là, la diffusion de ce genre d'idées et de recherche, ça serait une première chose. Aussi dans ce qu'on peut faire déjà c'est aussi soi, hein, déjà déconstruire des choses soi, enfin moi ça me paraît un petit peu voilà, c'est enfin, c'est des petits pas, mais c'est déjà ça. Enfin, c'est déjà dans son comportement avec les autres, essayer de déconstruire toutes les, essayer de prendre conscience. Parce que toutes et tous, hein, on a intériorisé des choses, que ce soit des hommes, des femmes ou des personnes qui rentrent pas dans ces catégories ou qui sont rebelles, on a toutes et tous intériorisé des choses qui fait qu'on interagit de façon extrêmement différente avec les hommes, avec les femmes, par exemple, typiquement à Nuit Debout, les femmes prennent moins la parole au micro que les hommes. Ça, c'est beaucoup lié à l'intériorisation, c'est beaucoup lié aussi à comment les hommes réagissent quand les femmes prennent la parole. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de choses, qui sont intériorisées et c'est à nous de faire un travail dessus. Et moi, je pense que, enfin, aussi, quand même, une des principales choses qui fait changer les choses et qui a fait changer les choses jusqu'à un moment, c'est les luttes sociales féministes et antisexistes. C'est-à-dire que, à un moment, ce sont des luttes sociales qui font changer les choses. Par exemple, que les femmes puissent décider à quel moment elles voulaient faire des enfants, si elles voulaient faire des enfants ou non, bah, ça a été des luttes sociales, ça a été des millions de femmes dans la rue, ça a été des actes de désobéissance civile où les femmes se sont dit bon, on va faire les avortements nous-mêmes, ça a été des luttes sociales, ça a été des meetings, ça a été des manifestations, ça a été énormément de choses qui ont fait que voilà, les choses ont changé. Mais voilà, donc moi je pense que ça passe quand même beaucoup par des luttes sociales portées par des groupes, qu'ils soient non mixtes ou mixtes, hein, les deux. Ça peut vraiment, je pense que c'est par là que les choses changent. Voilà. Oui, donc je voudrais d'abord témoigner. Je suis le papa de 4 filles, donc pour le prix des poussettes roses, je suis 100% d'accord de ce côté-là. Je réalise aussi que... oui, bien sûr. Peut-être trop tard. Hein, j'ai lu Simone de Beauvoir et j'ai peut-être commencé à appréhender les études de genre peut-être tard. Je me rends bien dans la vie de tous les jours que par des comportements inconscients, j'oriente mes filles plus vers certains comportements que vers d'autres. Et c'est vraiment très difficile quand on est devant ses enfants de faire quelque chose, même si on essaye. On essaye comme on peut. Et j'ai encore des doutes aussi. Et par exemple sur le fait que les genres ne soient que d'origine culturelle. Oui, en majorité, oui, c'est oui, mais pas qu'à 100%. J'ai encore au fond de moi. Alors je ne sais pas si c'est un reliquat d'éducation judéo-chrétienne. Ça, je ne sais pas. J'espère que non. Mais par exemple dans les études d'anthropologie sur les primates supérieurs, quand on regarde des groupes de gorilles par exemple, je pense qu'il y a des différences de comportement entre les mâles et les femelles. Et nous, on est aussi des primates supérieurs. Donc est-ce que cette origine culturelle des genres, oui, c'est évidemment, forcément, ça joue un rôle. Mais est-ce que c'est bien quelque chose d'exclusif? Et puis un autre aspect aussi, j'ai lu un petit peu sur l'anthropologie des primates et je pense qu'il ne faut pas non plus négliger les luttes de pouvoir intra-genre. C'est-à-dire que les phénomènes de pouvoir et de domination des femmes envers les autres femmes, il n'y a qu'à voir deux bourgeoises qui se croisent avec un beau sac à main sur la rue, comment elles occupent le trottoir. Et c'est pareil pour les hommes, hein, les hommes qui vont prendre leur bourgeoise au bras avec le joli sac, c'est exactement pareil. Je pense que ces luttes de pouvoir ont aussi une énorme importance qu'il ne faut pas les oublier. Merci. Vous voulez... Non. Elles m'ont donné le micro parce que je suis une femme, alors tu passes derrière. Pardon, j'avais pas vu. Oui, c'est pour dire, par rapport aux études de genre aussi, c'est des études de genre et pas seulement des études sur les femmes. Et c'est assez étudié maintenant aussi la construction du genre masculin et du fait que ce soit pas rose tous les jours non plus pour les hommes. Et qu'il y a énormément de pression sociale sur leur rôle aussi et que donc on y gagne tous à casser ces stéréotypes là. Et donc c'était pour rebondir sur le côté militant. Je pense que si on prenait aussi le bout du droit des hommes, d'abord on en agrégerait plus au combat et ensuite il y a des vraies inégalités aussi au niveau des hommes, notamment en termes de garde d'enfants que c'est quand même super dur pour eux d'obtenir la garde. Il y a des mecs qui sont montés dans les grues pour gueuler contre ça. Je pense que ça rejoint les stéréotypes de genre dans les deux cas. C'est pas forcément facile pour une femme d'avoir la responsabilité des enfants, d'avoir la garde, et c'est pas facile pour un homme de se faire enlever ses enfants. Et la deuxième chose qui me paraît vraiment être un sujet évident, et je sais pas pourquoi c'est jamais abordé en politique, c'est celui du congé maternité, paternité, qui est quand même un peu la base, le début de l'éducation. Je me permets, moi je viens d'avoir un gamin, j'étais en plein milieu d'un gros projet, j'ai dû prendre un congé de 2 semaines, donc c'est le côté physique, on est fatigué après l'accouchement, c'est vrai, mais c'est pas si vrai. Pendant ce temps, mon mec a dû poser un congé parental, qui est quand même, c'est pas la même chose qu'un congé paternité, hein, on gagne pratiquement rien. Tout ça, voilà, pour qu'ils puissent s'occuper de l'enfant pendant que je continue à travailler. Il y a des pays où on vous donne le même nombre de semaines. Là, pour l'instant, donc il y en a 16 pour les femmes, 2, même pas 2 pour les hommes, mettons 2 pour les hommes. Ça fait 18 semaines. On pourrait tout à fait, parce qu'il y a le problème économique, on va pas dire qu'on va financer des congés de 16 semaines pour les deux. Simplement de dire, il y a 18 semaines, vous les prenez comme vous voulez. C'est évident qu'à la fin de la grossesse, la femme peut être fatiguée. C'est évident qu'après l'accouchement, mais chaque couple prend ses décisions. J'imagine que dans un premier temps, les femmes le prendront plus longtemps et c'est pas grave, mais au moins laisser la possibilité au couple de choisir et d'être, voilà, plus égalitaire pour les premiers mois de la vie de l'enfant, qui conditionne quand même pas mal la suite. Voilà. Merci. Alors, je peux répondre aussi sur la question, sur deux questions. Alors, sur la primatologie, je sais plus où était notre primate supérieur sur la gauche. Alors, sur la primatologie, il y a beaucoup d'idées. Les éthologues, donc les personnes qui étudient le comportement animal, ont remis en cause beaucoup d'idées justement sur les primates, et montrent en fait comment beaucoup d'études, par exemple Sandra Harding, c'est une éthologue qui est spécialiste des primates, montre comment on projette nos stéréotypes de genre sur les primates, et on va imaginer des comportements sexués ou sexistes aussi bien plus qu'en fait ils n'en ont. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, par exemple, et dans les primates, il y a des comportements extrêmement différents sexués-sexuels. Et chez les autres animaux, chez les espèces qui sont sexuées, en fait, on va observer une très grande diversité, en fait, de comportements. C'est la première chose. Et donc faire attention aussi aux, pareil, hein, les analyses de vulgarisation, enfin les textes de vulgarisation souvent qui vont être publiés sur les animaux, si vous regardez des documentaires animaliers, c'est souvent extrêmement sexiste et assez faux en fait. Les éthologues, moi mon cousin il est éthologue, donc il étudie le comportement animal, et il dit voilà, souvent les études font ce qu'on appelle de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire projettent des réalités sociales humaines sur le comportement animal, et donc vont dire, ah voyez, le cerf dominant ou le gorille dominant, par exemple. Mon cousin me disait, le concept de mâle dominant, c'est un concept qu'on n'utilise plus aujourd'hui en éthologie. C'est un concept qui est extrêmement remis en cause. Et vous voyez que le mâle dominant, ça a quelque chose qui nous évoque dans notre société humaine, par contre. Et donc, voilà. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas expliquer le comportement humain par le comportement animal. C'est-à-dire que d'une espèce à l'autre, il y a énormément de variations. Et donc, à un moment de dire, parce que dans telle société, voilà, les femelles vont s'occuper uniquement des bébés, et dans telle autre, voilà. Donc, c'est normal que les femmes s'occupent uniquement des bébés. C'est un fonctionnement qui ne marche pas. C'est-à-dire que la société humaine, c'est une société, c'est une espèce, l'humanité, enfin, l'espèce humaine, c'est une espèce qui a ses propres caractéristiques. Et donc, et notamment, une de nos grandes caractéristiques, c'est que justement, on est des êtres sociaux. Avec, justement, quand on a 10% de nos connexions neuronales et on a une énorme capacité de construction, d'adaptation, de variabilité. C'est pour ça qu'il y a autant de sociétés différentes, autant de manières différentes de se comporter en société. C'est parce qu'on est des êtres sociaux et c'est ce qui nous caractérise. Enfin, c'est une de nos grandes caractéristiques en tant qu'espèce animale. Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il se passe quelque chose dans le règne animal qu'il se passe la même chose dans le règne humain, enfin, ou en tout cas dans telle espèce animale, dans l'espèce humaine, ça veut pas dire qu'on peut pas faire des parallèles comme ça, spontanés et sauvages. La deuxième chose, je voulais revenir sur l'histoire des pères, parce qu'il y a aussi une étude récemment qui s'appelle Au tribunal des couples, qui a été faite, qui a examiné 500 cas de séparation conjugale, pour voir justement si les tribunaux donnaient plus la garde aux pères qu'aux mères. Et en fait, on remarque que, enfin, la conclusion, c'est non. Donc, c'était une étude qui a eu lieu en 2013, et ils ont regardé. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des couples, dans 70%, je crois que entre 70 et 80% des séparations, les couples sont d'accord. En tout cas, il n'y a pas de discussion sur le fait que la garde de l'enfant va aller à la mère. C'est-à-dire que ça ne se pose même pas comme question dans les procédures de divorce. Donc l'enfant va garder la mère, quelle que soit sa situation économique, qui peut être catastrophique. Hein. Et par contre, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est que dans les cas justement où la garde est demandée partagée, ou alors où la garde est demandée de façon contradictoire par l'un ou par l'autre, en fait, on a à peu près 50-50. Donc les juges aux affaires familiales, les JAF, accordent autant la garde au père qu'aux mères. Et justement, parmi les pères, c'est quelque chose voilà, qu'on ne sait pas, mais donc il y a eu des études sur justement ces pères, les pères en colère, SOS Papa. Et en fait, on remarque que, par exemple, dans la direction de SOS Papa, donc père en colère, SOS Papa, ce sont souvent des hommes qui n'ont pas eu la garde des enfants parce qu'ils ont été auteurs de violences physiques et morales sur leurs conjointes et sur leurs enfants. Par exemple, à Rennes, il y a un père qui est monté dans la grue, qui a été plusieurs fois inculpé pour violence sur sa femme, sur son enfant, voire abus sexuel, et il a été 15 jours dans la grue, pas délogé, avec papa veut te voir. Voilà, mais s'il a été. Voilà. Faut faire attention aussi avec ces trucs des pères en colère parce que il y a des drôles de zozos dans ce truc-là et ça nous donne aussi une idée de la justice en fait qui est pas réaliste parce que, en effet, hein, si la justice donnait plus la garde aux hommes qu'aux femmes, ça serait dommage, enfin ça serait dommageable, mais en fait on se rend compte que c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, les si on compte le nombre de procès contradictoires, en fait on se rend compte que non, c'est à peu près 50-50. Merci. Je vais prendre. S'il y a encore une question, on a encore le temps pour une question peut-être. Ah, vous êtes revenu à temps. Merci. Très rapidement, en fait, c'est plus un témoignage qu'une question. Pardon, j'ai un peu couru. Pour répondre aussi au monsieur tout à l'heure qui parlait de primatologie, j'ai pas pu écouter ta réponse jusqu'au bout. Mais il y a un très bon bouquin de vulgarisation d'un biologiste néerlandais. Je ne me souviens plus de son nom, mais le bouquin, c'est Comme des bêtes, je crois, qui parle de la sexualité dans le règne animal. Et le sous-titre du livre, c'est Ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité. En fait, ce livre, il montre de la parade amoureuse à la naissance, il y a une diversité incroyable dans le règne animal, des pratiques sexuelles, du combat entre les mâles et les femelles pour avoir la main sur les enjeux de l'enfantement. Et même qu'il y a certaines espèces où il n'y a pas d'individu mâle recensé. Donc on peut même percevoir biologiquement le mâle parfois comme un parasite. Enfin, bref, c'est un très bon bouquin, c'est hyper intéressant. Et je voulais aussi apporter un témoignage personnel qui est que, par rapport à je ne sais plus qui disait qu'est-ce qu'on peut faire, je crois que ce qu'on peut faire de fondamental et de très important, à titre personnel déjà, c'est de se rééduquer tous les jours. Moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai découvert le féminisme et tout ce que ça implique. Et en tant qu'homme, c'est un travail de rééducation, mais quotidien. Vraiment, parce qu'il y a toujours des choses qui nous échappent. On a toujours des comportements qui sont les résultats de conditionnements très profonds et dont on n'a pas conscience qu'ils sont, en fait, qui perpétuent des stéréotypes. Donc, c'est une attention. En fait, le patriarcat, c'est une matrice dont il faut s'extirper. Comme n'importe quelle autre matrice de pensée, d'ailleurs, comme au hasard le capitalisme, on peut se rééduquer chaque jour à penser selon une autre matrice que celle du capitalisme, on peut chaque jour se rééduquer à une autre matrice que celle du patriarcat, mais ça demande un effort et une volonté quotidienne, en fait. Voilà. Ah oui, et je voulais rebondir aussi sur ce que disait un camarade là, qui a parlé tout à l'heure, justement, sur l'éducation des enfants aussi, et sur le fait qu'il y a des couples homosexuels, des couples de même sexe qui élèvent des enfants et que les enfants se portent ni plus mal ni mieux que s'ils sont élevés par des couples hétéros. Je voulais juste témoigner de quelque chose, c'est que moi, en fait, le premier débat intéressant sur la parentalité auquel j'assistais, c'était un débat il y a 15 ans, justement, sur le mariage entre homosexuels et le fait de la parentalité homosexuelle. Et moi, je savais où je suis allée, je savais pas trop, c'était peut-être il y a 20 ans même, je savais pas trop ce que j'en pensais. Et en fait, il y a donc un couple de femmes qui disaient, mais en fait, il faudrait faire un contrat parental et dire qu'en fait, quand on s'engage à être parent, c'est on s'engage à respecter l'enfant, à l'aimer et à le protéger. Et en fait, peu importe qu'on soit deux hommes, deux femmes, qu'on soit un homme, une femme, que ce soit en fait. Et moi, j'avais trouvé ça mais hyper intelligent. Je m'étais dit, ah bah enfin, en fait, enfin, j'entends quelque chose d'intelligent sur l'éducation des enfants et ça m'avait marqué. Et je m'en souviens quand il y avait eu les trucs sur le mariage pour tous et j'avais fait une petite affiche avec marqué « Les enfants ont besoin de respect, d'amour et de protection de leurs parents, pas de stéréotypes sexistes et homophobes ». Et c'est tout simple, mais en fait, est-ce que c'est comment on se comporte avec nos enfants qui fait qu'ils vont être heureux derrière, ou est-ce que c'est sur le fait d'avoir un pénis et un vagin? Enfin, à un moment, on... et qu'on est avec des stéréotypes sexistes, homophobes, pour les éduquer. En fait, voilà, pour moi, à mon avis, c'est beaucoup plus leur laisser la liberté d'être ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pas leur donner des jouets ou leur inciter à des comportements et les réprimer, enfin des comportements sexistes et les réprimer quand ou les moins les aimer quand ils en sortent. C'est aussi leur laisser choisir leur sexualité, apprendre le respect, le consentement, plutôt que d'apprendre que faut que tu t'es une petite fille, il faut que tu sortes avec un garçon, t'es un petit garçon, il faut que tu sortes avec une petite fille. Mais voilà, ça demande de changer tous les jours. Mais vous voyez, aujourd'hui, moi, ça m'arrive quand je vais chez des copains, ils ont des gamins, et puis, tu vois, on discute avec les gamins, je dis, ah, bah alors, est-ce que t'as une amoureuse ou un amoureux? Rien que ça, en fait. De dire, de laisser le choix, en fait. Et bah, souvent, les parents, ils disent pas homophobe, mais ils sursautent. Quand même, parce que voilà, c'est juste, en fait, t'as le droit, c'est juste dire aux enfants, bah oui, t'as le droit d'aimer un homme, t'as le droit d'aimer une femme, t'as le droit d'aimer les deux, en fait, t'as le droit de tomber amoureux de qui tu veux, mais ce qui est important pour moi, c'est que tu respectes l'autre, que tu respectes son consentement, que tu sois dans un rapport égalitaire et pas violent avec les autres. Voilà, c'est peut-être aussi changer nos cadres qui peut-être nous rendraient plus épanouis plutôt que de dire, en fait, si tu tombes amoureux d'un garçon, bah c'est le drame parce que toi aussi t'es un petit garçon et je t'aimerais plus, et voilà, etc. Enfin, bon, et tout ce qu'on sait, quoi. Bien, merci beaucoup, merci à tous, merci à toi Hélène et merci à vous pour ces pistes. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de pistes qui sont lancées et qu'on espère voir grandir.